Bonjour à vous, chers auditeurs de Fadjet, vous êtes sur Fréquence BD, l'émission qui vous parle de bande dessinée tous les premiers vendredis du mois. Et aujourd'hui, pour l'émission de mai, nous allons découvrir des bandes dessinées qui se collent hein, à ce mois, hein, le mois du travail, hein, voilà, la fête du travail en début mai. Pour faire cette actualité, pour parler un peu de tout ça, pour vous faire découvrir des choses, je ne suis pas seul, en effet. Mon équipe de chroniqueurs acharnés, mon équipe qui veut en découdre avec la bande dessinée, non je rigole, ils sont très gentils, sont là. Bonjour Marie, comment vas-tu ? Bonjour, bah ça va très bien. Alors quoi de neuf depuis la dernière ? Eh bien la pluie. C'est vrai qu'il n'y a pas plu depuis le mois dernier, on voit qu'on y réfléchit. Donc ouais, c'est quelque chose effectivement, ça a bien changé. Et donc tu n'es pas venu seul, on l'a entendu se racler la gorge, c'est évidemment Gabriel, bonjour. Eh oui, bonjour à tous. Alors comment te sais-tu toi depuis la dernière fois ? Ah bah la pluie. La pluie également, mais... La pluie de saison, mon bon monsieur. Mais c'est n'importe quoi, c'est vrai, là. Pourquoi il pleut en mai ? Enfin, il me semble que c'est normal. Mais nous ne sommes pas là pour parler de la pluie et du beau temps. Et d'ailleurs, il nous manque quelqu'un dans cette émission, bon... Jérémy également, hein, Jérémy qui a disparu de la circulation. Je me pose des questions sur sa disparition. Mais également notre invité qui n'a pas pu venir à cause des problèmes personnels. Donc invité que nous reverrons au mois de juin. Donc un invité exceptionnel. On ne vous le dit pas pour l'instant parce qu'il est exceptionnel. Et de toute façon vous l'entendrez bientôt. Tout ça pour vous dire que nous allons parler tout d'abord dans cette émission des sorties bande dessinée de ce mois, donc qu'est-ce qu'on va pouvoir se mettre sous la dent ? Est-ce que vous avez des idées ? Non. Ben, heureusement que je suis là alors. Alors, bande dessinée qui est sortie le 5 mai, donc c'est il y a deux jours. Comment devient-on raciste de Eyer, Reno, Paligo et Méziane ? Alors ce titre paraît un peu étrange, hein, comment devient-on raciste ? Alors non, ce n'est pas un tutoriel pour devenir raciste. Cette bande dessinée, en fait, va tenter de comprendre les mécanismes de l'origine du racisme, parce qu'en fait, l'auteur en subit lui-même, et donc, bah, il sait de quoi il parle, hein, c'est une personne concernée, et il a fait cette bande dessinée avec l'aide d'une anthropologue généticienne et d'une historienne, afin voilà, d'avoir différents points de vue, d'essayer d'expliquer ce phénomène, parce que bah, finalement, le racisme, c'est quelque chose qui touche à peu près tout le monde. On a tous des a priori sur les gens différents. Et donc voilà, donc, cette bande dessinée est là pour nous questionner sur notre rapport à autrui. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bah, j'aime bien l'idée que ce soit une collaboration avec du coup, des gens qui ont le métier de comprendre l'origine des phénomènes sociaux. Et ouais, ça peut être intéressant quand ça sort un peu du point de vue un peu subjectif sur les choses. Mmh. Voilà, mais tout en gardant cet aspect-là aussi. Mais oui, ça peut être très intéressant. Il y a une partie donc témoignage et une partie tentative de compréhension parce que on ne peut pas expliquer. Hein, c'est l'humain d'une certaine manière. Donc voilà. Donc Gabriel, si tu as quelque chose à rajouter. Ma foi, ça peut être très intéressant. D'accord, donc comment devient-on raciste, donc sorti le 5 mai, que je vous conseille à lire. Ensuite, pourquoi, si vous, tout ce qui est études sociologiques, ça vous ennuie, pourquoi pas partir dans une bande dessinée humoristique un peu loufoque, ça s'appelle Home, de Spicer et Bourris. Donc bah, ça sort aujourd'hui justement, Home. Alors qu'est-ce que c'est ? Alors Home, c'est un robot de guerre de l'espace qui se retrouve sur Terre un peu par hasard. Et en fait, en arrivant sur notre planète, il va détruire la maison. Une maison, voilà, il va détruire une maison et va donc la remplacer. Et au même moment, il y a une famille qui est en train d'aménager dans cette maison. Et ils vont rentrer dans le robot en pensant que bah, c'est juste leur maison, que l'architecte, il était un peu foufou. Mais en fait, bah, ils vont découvrir que cette maison est en réalité un robot qui peut détruire la Terre. Et ils vont devoir cohabiter avec ce colocataire un peu gênant qui est un robot avec un robot militaire de l'espace. Et en fait, il faut savoir voilà, qu'il y a toute une histoire comme quoi ce robot militaire de l'espace aurait été conduit par l'ex-compagnon de la mère du héros. Enfin bref, une histoire un peu loufoque. Et qui, malgré tout, nous questionne voilà, sur la domotique de plus en plus présente à la maison. Voilà. Donc une BD humoristique. Oui, c'est ça. Et ça n'a aucun sens. Hein, mais moi, j'aime beaucoup ça. Quand ça n'a pas de sens. Donc voilà, je sais pas si vous en aviez entendu parler, parce que je sais qu'ils ont publié pas mal de planches dans le journal de Spirou. Ouais, moi je n'en ai pas entendu parler. D'accord, et ben ça sera l'occasion, voilà, si jamais vous le croisez, dans une librairie, hein, dans votre librairie préférée, qui sont ouvertes, heureusement, en cette période. Tu peux redire le nom de cette BD ? Oui, c'est Homme, H-O-M-E, qui veut dire maison, mais ça veut, veut également dire autre chose. Il me semble que c'est humain, objectivement mauvais, un truc comme ça, enfin, okay. C'est, y a un jeu de mots derrière. Et je voulais vous présenter également donc une série qui commence, c'est le premier tome des Veuves électriques de Rollum, Geffroy et Degreff, donc qui sortira le 19 mai. Alors, qu'est-ce que ça raconte ? Eh bien, c'est très simple. Il y a eu un incendie dans la centrale nucléaire de Shisuan, et cet incendie va faire 3 morts, 3 employés. Et bien que les responsables de l'usine ont fait un petit hommage pour ces employés décédés, cela ne va pas suffire pour leurs femmes respectives, et ces dernières vont se battre jusqu'au bout pour la fermeture de la centrale, parce que elles sont veuves à cause de cet incendie. Et le problème, c'est qu'elles n'ont pas le soutien de la population. C'est donc un combat. Contre le monde, en fait, qu'elles vont mener pour faire valoir la mémoire de leur mari. Donc, les veuves électriques, le 19 mai. Donc, les accidents de centrale, hein, on en parle souvent. On en avait parlé récemment. Quel était le nom, déjà ? Lubrizol. Ouais, voilà, Lubrizol, ou... Fessenheim, ou beaucoup de... Oui, oui, je confonds. Ouais, du coup, c'est Fessenheim dont on parle beaucoup. Oui, mais quand je dis centrale, oui, Lubrizol. Parce que c'est la plus vieille en France, si je me l'ai dit. Laquelle ? Fessenheim. Peut-être, je t'avoue que j'ai pas fait de CAP centrale nucléaire, donc... En tout cas, c'est l'une des plus problématiques. D'accord, et justement, puis même la fermeture des centrales nucléaires, c'est un sujet qu'on entend régulièrement parler. Peu importe la raison, que ce soit pour des raisons de danger ou d'écologie, c'est un sujet qu'on en parle. Donc voilà, si vous aimez bien les centrales nucléaires ou les histoires de femmes contre le monde, pourquoi pas les veuves électriques. Et ensuite, en bref, alors qu'est-ce qui va sortir ce mois-ci ? Donc je vous ai sélectionné, donc, comme d'habitude, des sorties de bande dessinée ou des intégrales. Et en parlant d'intégrales, l'intégrale de Psycho Paris sortira ce mois-ci, donc pour ceux qui sont fans déjà de cette bande dessinée, si vous la connaissez pas, au style très urbain, très la violence, quoi, bref, Psycho Paris, hein, tout est dans le titre. Ensuite, le dernier tome de Dans les yeux de l'IA, une bande dessinée une bande dessinée en 3 tomes sur une affaire au tribunal. Voilà, sur une personne qui a payé une autre personne pour mettre une affaire sous silence, mais justement, la vérité finit toujours par éclater. Donc le dernier tome sort, et enfin, les révélations. Et ensuite, le tome 9 de Moria, et le dernier tome de Gun-Ho, que je vous conseille, parce que c'est une série très bien post-apo, comme on en fait tant. Voilà, est-ce que vous avez... Alors, moi je t'ai perdu pendant un petit temps, là. Je sais pas si... Ah, moi aussi, je n'ai plus entendu. Bon, en tout cas, ceux qui nous écoutent sur Fadjet m'ont entendu. Je vous en reparlerai après. Hein. Mais est-ce que vous avez des bandes, vous connaissez des bandes dessinées qui vont sortir ce mois-ci ou qui sont déjà sorties ? Alors oui. Ah. Et ça va faire la transition avec notre prochain sujet, donc toujours consacré au monde du travail. Puisque hier est sortie une BD qui s'appelle Lorraine Cœur d'Acier, du nom d'une radio pirate en fait, qu'il y avait eu à la fin des années 70. Donc voilà, ça raconte l'histoire à la fois de la grève des ouvriers de la sidérurgie en Lorraine, donc une BD locale en plus, et de la radio pirate qui s'en est suivie en fait. Donc voilà, les grévistes et d'autres militants ont créé cette radio pour parler de la grève et puis de beaucoup d'autres sujets de société qui agitaient à l'époque l'actualité, hein, donc notamment l'avortement, l'immigration, etc. D'accord, donc est-ce que tu peux rappeler le titre ? C'est Lorraine Cœur d'Acier, c'est aux éditions Futuropolis. Eh ben, merci. C'est de Vincent Bailly et Tristan Thiel. Merci beaucoup. Marie, est-ce que tu as une autre bande dessinée à rajouter ? Non. C'est peut-être une très bonne sélection de la part de vous deux. C'est parfait. Donc juste après une petite page de musique, nous allons

de BD qui parlent du travail. Il y a vraiment des BD qui prennent un angle très très historique et qui vont parler de luttes voilà, historiques. Bon bah là, récemment, il y a eu le centenaire de la Commune et il y a eu plein de BD qui ont du coup reparlé de la Commune, de comment, à travers plein de façons différentes. Alors, j'avais même vu... Je suis un peu nul, mais c'est quoi la Commune ? Alors, oula. Alors, un résumé, ça va être un peu long. Ouais. Mais c'est très rapidement, la guerre franco-prussienne en 1870, il y a les ouvriers de Paris qui face à un régime très, enfin je sais pas comment qualifier ça, mais un peu enfin autoritaire et aussi très réactionnaires, qui ont réussi en fait à prendre Paris et en faire une espèce de république populaire et ouvrière, pendant une centaine de jours. Et du coup, pendant une centaine de jours, c'est les ouvriers qui dirigeaient Paris. Et donc voilà, et ensuite ça a été réprimé dans le sang par le gouvernement en fait autoritaire. D'accord. Et en fait c'est son anniversaire il n'y a pas si longtemps de ça. C'est ça. Ok. Bah, et voilà, donc je te laisse reprendre, excuse-moi. Je t'en prie. Et du coup c'est un événement majeur et du coup c'est quelque chose dont on en parle. Enfin là avec l'anniversaire on en a beaucoup parlé et du coup la BD on en a aussi beaucoup parlé et du coup comme je disais sous des angles assez différents. Alors il y a la très connue série du Cri du Peuple. Qui reprend du coup en plus, le titre ça fait référence à un journal qui était publié à l'époque. Et donc Le Cri du Peuple c'est par Tardy et Vautrin. Et du coup là c'est vraiment un angle très très historique avec vraiment on a des personnages, les personnages de l'époque et on va suivre un peu le déroulement chronologique en fait de la Commune et c'est vraiment très très bien et c'est très beau aussi. Et c'est super intéressant, enfin vraiment, c'est, enfin, je pense que lire ça, ça donne un cours en histoire. Et Le Cri du Peuple qui raconte l'histoire de l'association, c'est ça ? Non, qui raconte l'histoire de la Commune, de cet événement en fait, à travers du coup plusieurs tomes, parce que bah voilà, il y a eu plusieurs phases, et du coup c'est vraiment très bien. Il y a vraiment d'autres BD qui ont parlé un peu de ça sous d'autres angles et c'est aussi super intéressant. J'avais vu aussi qu'il y avait d'autres BD, donc là pareil dans les luttes un peu historiques, qui parlaient des canuts. Donc pareil, ça c'était une révolte qui a eu encore, il y a encore plus longtemps, à Lyon. Et du coup, donc le titre c'est Le linceul du vieux monde de Christophe Gérard et c'est vraiment très beau aussi. Et voilà, donc là aussi ça fait référence en plus à une musique révolutionnaire qu'il y avait à l'époque. Et du coup ça raconte cette histoire donc de la lutte à Lyon, des tisserands qui se révoltent en fait parce que il y a des conditions qui vont pas et c'est vraiment une lutte très importante à l'époque. Et voilà, je trouve que vraiment par la BD en fait c'est des histoires qui peuvent on en parle pas en cours. C'est des choses qui sont un peu ignorées. Oui, et même comprendre les luttes des travailleurs, qu'on y adhère ou non, ouais. Ça nous permet de mieux comprendre en fait le fonctionnement du travail, les difficultés qui peuvent y être, que ce soit chez nous, même dans un autre pays. Mais là, comme tu le dis, vu que ce sont des approches historiques, j'imagine qu'il y a également des approches de type témoignage. C'est ça, et du coup, notamment une série de BD qui s'appelle Putain d'usine. Donc de Jean-Pierre Lavaret. De Jean-Pierre Lavaret. Et du coup, lui, c'était un ancien ouvrier et un militant de la CGT. Et du coup, il raconte ce qui se passe dans une usine pétrochimique près de Rouen. Et là, du coup, c'est vraiment ça parle de l'usine en soi, de tout ce qui s'y passe, des ouvriers, aussi de comment eux ils vivent les choses, donc voilà, ça parle de beaucoup de l'alcoolisme, de la tare que c'est, de la solitude, mais aussi des luttes qu'il va y avoir contre le patronat pour réclamer chaque petite chose. Mais c'est fait avec vraiment ce côté de... le type sait de quoi il parle. Et du coup, c'est vraiment trop cool. D'accord, donc Putain d'usine. dans putain d'usine. C'est très noir. C'est vraiment, ça ressemble un peu aux idées noires de Franquin, graphiquement. Et genre, c'est vraiment, on retrouve vraiment ce côté un peu carcéral, quoi. Et du coup, ça, je trouve que par la BD, le témoignage vraiment et l'oppression que ça peut être aussi, l'oppression des cadences et tout, le dessin permet vraiment de traduire ça, quoi. Ouais, c'est pareil, c'est en 3 tomes. Et du coup, ça raconte 3 moments un peu différents et ça suit une histoire, celle des ouvriers, etc. Donc c'est très cool, je recommande énormément. Alors j'ai lu un peu, je sais pas tout, mais c'est trop cool. Enfin, en tout cas, c'est trop cool. Non, c'est pas cool ce qui est raconté. Mais là, mais on comprend, c'est prenant, en tout cas. Voilà, je sais pas si vous connaissez, d'ailleurs, si si toi, vous connaissez d'autres, peut-être, BD qui... Toi, il me semble que c'était un témoignage également, ce que tu voulais présenter. Tu me parles ? Oui. Désolé, mais je t'entends très faiblement, Benjamin. Ah bah, je sais pas ce qui a changé par rapport à tout à l'heure, mais pourtant j'ai augmenté ton son. Alors, je n'ai rien changé. Peut-être que tu t'es endormi entre-temps, ou que tu as perdu. Ah, c'est pas possible. Tu as peut-être perdu de l'audition. Tu deviens peut-être sourd en direct. Ah mon Dieu. C'est quand même dommage. Quel cauchemar. T'imagines le gars vraiment, il y a le problème. Genre, tu vois, et puis un coup, paf, t'es aveugle. Je comprends plus. Wow. Ouais, surtout à la radio. Ça... Ouais, être aveugle à la radio, ça se voit pas. Hein, mais... Ça se voit pas, on se comprend. Enfin, bref, Ça m'aider, c'est compliqué. Bon. Bref, on se perd. Il me semble que tu voulais nous présenter également quelque chose qui parlait de la lutte ouvrière. Oui, tout à fait. Alors, d'abord, des petites adaptations. Là, il y a pas mal de bouquins théoriques et de romans qui ont été adaptés en BD. Donc, notamment Le Bateau Usine. Donc, Le Bateau Usine, c'est un roman à la base qui a été écrit par un auteur japonais dans les années 30. Donc, je vais retrouver le nom en direct, qui s'appelle Kobayashi. Et Kobayashi Taki. Non, Takiji, pardon. Et donc voilà, ça a été adapté en manga il y a quelques années maintenant, à la même époque où il y avait pas mal de luttes des étudiants et de grèves au Japon. En fait, à l'époque de la crise économique, quoi, dans les années 2008-2010. Mmh. Donc la BD reproduit vraiment fidèlement le livre. Sur en tout cas l'ambiance, donc l'ambiance c'est une bande dessinée très crade qui adapte un manga. C'est un manga qui adapte un roman. Ah d'accord, oui non, c'est vrai ce que je dis, totalement con. Mais t'as du mal à suivre, Benjamin. Oui, bah je crois que Gabriel m'a refilé son problème d'amnésie temporaire. Excuse-moi, d'audition. C'est facile par le micro, c'est incroyable. Alors, vous êtes cassé par le travail, c'est pour ça. Oui, non, mais ouais. Effectivement, à deux doigts de faire une lutte au sein de Fréquence BD. C'est la révolte. Contre l'exploitation. Enfin, bref. Bref, on se perd, hein, c'est terrible. Ouais. Et donc, oui. Et donc, ouais, le bateau usine, c'est donc sur un bateau usine dans les années 1920 au Japon. Alors, quand tu dis bateau usine, c'est comme un pétrolier ou... J'y viens. En fait, c'est à la fois un bateau de pêche qui traite directement ses produits. Donc, en fait, il pêche du crabe et il transforme directement le crabe en conserve de crabe. Ah, c'est des circuits très courts. Voilà. Et donc, comme on l'imagine bien, les conditions de travail au Japon en 1920 sur ces bateaux, c'était absolument horrible. J'ai tout de suite pensé, moi, aux conditions d'hygiène. Décarcasser le crabe directement sur le bateau. Se débarrasser de tout ça, enfin j'imagine qu'il jetait à la flotte. Ouais, bah oui, mais écoute, dans le manga tu vois bien ça. Et ça m'a l'air assez horrible. Les conditions de vie tout court, je veux dire aussi, je pense que dormir, manger sur un lieu comme ça, ça doit être... D'autant que les marins et les ouvriers de ce roman et de ce manga sont confrontés à un contre-maître vraiment tyrannique. C'est un classique. Oui. Il y a toujours un contre-maître tyrannique. on peut dire qu'il n'en pinçait pas pour lui. Incroyable. Talent. Et sinon, ça m'a donné donc le bateau mécanique. Le bateau usine. Pourquoi je suis mécanique ? Qu'est-ce que je confonds ? Donc le bateau usine, moi ça m'intéresse vachement, mais vas-y. Le dessin de Fujiogo, et c'est aux éditions. Alors, je ne sais pas, mais. C'est une édition. Voilà, c'est édité, sachez-le. Non, mais sinon, en autre adaptation, alors ça avait fait un petit peu parler à l'époque, mais il y a eu le manifeste du Parti communiste en bande dessinée. Donc voilà. C'est celui-là, mais. Il m'a pas mal intrigué alors, tu l'as lu ? Alors je l'ai en partie lu, oui. Alors, même si je ne l'ai pas acheté. Eh bien c'est vraiment assez grandiose dans le dessin en tout cas. Vraiment, donc l'auteur c'est... Enfin l'auteur. Ça reprend le texte de Karl Marx et Friedrich Engels. Mm-hmm. Et c'est adapté, dessiné par Martin Hausson aux éditions Self-Made Hero. Le dessin est tout à fait grandiose, alors vraiment il y a un niveau de détail qui est fou, et en fait tout le texte est allégorisé, je sais pas si ça se dit, mais enfin je le dis. Ça se comprend en tout cas. Donc en fait ça illustre les idées du parti. Et comment ils ont réussi à rendre ça vivant ? Eh ben écoute, du coup Karl Marx c'est un personnage qui se balade avec un drapeau rouge. Et on dirait le début d'une blague. Tu sais. Non mais c'est ça. Alors ça n'adapte pas tout le texte, hein, je crois. Mais donc il se balade au milieu de milliers d'ouvriers, de bourgeois, etc. En criant le texte du manifeste du Parti communiste. Ok. Et donc il est représenté avec son cigare ou alors sur une scène de stand-up. Avec donc des dessins allégoriques de la société qui sont assez violents aussi, il faut le dire. Et est-ce que tu conseillerais cette bande dessinée pour des pro-communistes ou également à d'autres pour, est-ce qu'il y a une sorte de relecture dans l'adaptation ou est-ce que ça retransmet juste l'idée du bouquin d'origine ? Non, ça retransmet assez objectivement l'idée. Bon alors évidemment, si jamais on est fan fan d'argent, on va pas forcément s'y retrouver, puisque la société donc capitaliste est représentée par exemple via l'intermédiaire d'énormes robots qui broient des gens pour les transformer en argent. Effectivement, ce n'est pas très commode. Non. Et donc bon, bah on sent que l'auteur, que Martin Hausson a quand même un avis bien tranché, bienveillant hein, sur le manifeste. Ou en tout cas sur la société telle qu'elle est. Et donc voilà, bah, Karl Marx se représentait quand même très badass avec son drapeau, son cigare. Mais bon, si jamais par exemple vous devez le lire pour un cours ou je ne sais quoi, ça peut être une manière un peu plus ludique. Oui, voilà, oui. De le lire, voilà. J'avais vu aussi qu'il y avait eu le Capital qui avait été aussi adapté, donc le Capital de Karl Marx. Là, je sais plus si c'est en BD ou en manga, j'ai un doute. Je crois que c'est un manga. C'est un manga, tout à fait. J'arrive pas à mettre Karl Marx et le manga dans la même phrase. Ouais, et Après, je sais pas du tout si c'est bien, si c'est bien fait, etc. Parce que bon, bah là, c'est encore plus théorique que le manifeste du Parti communiste. Mais je crois que c'est un petit peu romancé, alors je l'ai pas lu. Et bah, justement, moi, je vous propose qu'on se renseigne pendant la prochaine musique. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'ai déjà préparé quelque chose dessus. Sur quoi ? Sur la musique ou sur le... Sur le Capital en manga. Et Incroyable, j'ai call ton intervention. Tout à fait, tu as créé une transition parfaite. On en parlera juste après. Pas de soucis. Alors, est-ce que tu as également préparé une musique qui a... Ah ben oui, mais j'en ai une, vu qu'on vient de parler du Parti communiste, nous allons écouter « Mon père était tellement de gauche ». Des Fatal Picard. Voilà, des Fatal Picard. Je pense que c'est dans le thème. En plus, la chanson est très marrante. Donc, les Fatal Picard, mon père était tellement de gauche. Et on se retrouve juste après où on va faire un petit tour vite fait sur Karl Marx qui fait du manga. Et ensuite, nous pourrons commencer à parler des études supérieures. Vous allez voir, c'est incroyable.

D'accord, bah pourquoi pas. Hein, si vous êtes fan d'économie et de manga, bah, Le Capital, chez les éditions Soleil, pourrait vous intéresser. Et oui, alors pourquoi nous parlons de ça? C'est vrai qu'on vous prend un peu de course, c'est parce que tout simplement, c'est une émission spéciale sur le travail. Et justement, en parlant de travail, magnifique transition. Pour travailler, il faut faire des études, hein, le plus souvent. Mais les études et la bande dessinée vont-elles ensemble? Et bah, moi, je vais vous répondre que oui. Est-ce que vous connaissez l'ONICEP? Évidemment. Évidemment, on connaît tous l'ONICEP. Donc, pour ceux qui dormaient dans une grotte, hein, l'ONICEP, c'est tout simplement, c'est une association, si je ne me trompe pas, qui organise, hein, voilà, qui aide les jeunes à s'orienter. Et en présentant différents métiers, dans des fiches métiers, hein, qui sont disponibles sur leur site, qui sont plus ou moins bien, ça dépend. Et donc, l'ONICEP a créé des bandes dessinées qui au lieu de les étudiants, hein, au lieu d'avoir à lire des pavés de texte un peu indigestes, et ben à la place, ils peuvent lire une bande dessinée qui leur explique tous les aspects de leur métier. Et c'est le cas, hein, pour mon BTS, donc un BTS géomètre, où j'ai pu avoir la chance, bon, manque de peau, c'était pendant mon stage de ma période de mon BTS, donc c'est un peu con de rencontrer, de découvrir la bande dessinée qui présente tes études pendant tes études, mais ça s'appelle Profession Géomètre Expert, et en fait ça nous raconte l'histoire d'un mec qui fait son taf, voilà, de géomètre, et je trouve ça vachement intéressant, et je sais pas si vous avez eu l'occasion justement de trouver cette forme de présentation d'études pour les vôtres. Alors, absolument pas. Je ne savais même pas que l'ONICEP faisait des BD, mais je trouve ce concept génial, du coup. J'ai découvert, j'ai pu lire du coup cette BD de géomètre, je me dis que c'est trop cool parce que ça a un aspect un peu, ça explique ce que se passe au quotidien, et pas uniquement sur aussi, vous devez faire telle étude, telle filière, tel parcours. Je crois même qu'il y a un petit passage historique aussi. Oui, c'est vachement... Enfin, c'est vraiment complet. Et puis même, il y a des diagrammes pour nous dire quelle école prendre, que faire après le BTS. C'est vachement complet. C'est super. Et... Ça montre vraiment bien qu'à la BD, ça peut servir à multiples usages. Mmh. Et alors, le truc, c'est que bon, là, cette bande dessinée sur Profession Géomètre Expert, elle est un peu datée. Hein, elle a été sortie en 2008. Mais sur le concept, ça reste encore valable. Mais c'est un support, donc le support bande dessinée est de plus en plus utilisé, hein, pour parler à nous, hein, les jeunes, parce que c'est bien plus, c'est plus facile à lire, même si à lire des dessins avec du texte que juste du texte, et encore plus quand les dessins forment une histoire, ce qu'ils appellent la bande dessinée au final. Donc voilà, et le truc c'est que c'est pas que pour les écoles supérieures. Car même dès la troisième, vous savez, en troisième, on nous demande, tu veux faire quoi plus tard? Sauf que, on a le brevet, et globalement, on sait rien faire de nos 10 doigts. C'est là où c'est impressionnant. Alors, il me semble en plus que ça a été fait en partenariat avec l'Éducation nationale, c'est Avenir, c'est moi qui choisis. Donc, c'est l'histoire de deux collégiens qui cherchent à s'orienter dans leurs écoles supérieures. Et en fait, là où c'est très intéressant, c'est que les protagonistes veulent faire un métier qui n'est pas souvent vu pour le sexe de la personne. Par exemple, la jeune fille veut être mécanicienne et le jeune homme veut s'occuper de gosses. Donc voilà, c'est... Donc en fait, justement, cette bande dessinée va expliquer aux jeunes qui vont les lire, il ne faut pas avoir peur de son choix d'orientation, c'est pas parce que les autres se moquent de nous qu'ils ont forcément raison. Et en fait, c'est pour encourager l'entrée dans le métier, d'essayer d'un peu d'assumer ce qu'on aime. Et en fait, comme tu le disais, Marie, et peut-être toi aussi, Gabriel, hein, que tu n'en as pas vu, hein, des bandes dessinées qui présentent tes études. Non. Et bien en fait, justement, le problème, c'est que elles sont en fait imprimées en très peu d'exemplaires, parce que vous pensez bien que ces BD-là, elles sont pas faites pour être vendues, vu qu'elles sont faites pour être lues sur des flyers ou des petits trucs pas chers à imprimer. Et vu qu'elles sont faites en très peu d'exemplaires, elles sont distribuées dans des écoles ou lors des stands, hein, sur les forums des étudiants. Donc, ce qui veut dire qu'elles sont souvent perdues. Et même si on peut les retrouver sur Internet, aucun enfant au monde ou étudiant va chercher sur Internet une bande dessinée sur le métier qu'il veut faire. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Oui, en tout cas, c'est pas intuitif. Voilà, c'est pas du tout intuitif. Et puis même, hein, toute la période où on nous demande de s'orienter, enfin, je sais pas si c'était pareil pour vous, mais on n'en sait rien. Hein. C'est clair, et puis c'est pas... En fait, aussi, on pense pas forcément trouver la réponse dans des BD, quoi. Enfin, c'est pas vers là où on va aller si on cherche. Et encore en nous, on a eu de la chance, hein, en Lorraine, parce qu'on avait pas mal de choix d'école, hein, surtout au collège. Et tu vois, ceux qui sont en zone rurale, en choix de lycée, ils en ont pas beaucoup, donc... Donc voilà, et bon... Bah, Le bon point, hein, c'est que bah, ça utilise la bande dessinée pour communiquer plus facilement, mais que le problème, c'est que c'est pas assez développé. Et je pense sincèrement que c'est une très bonne initiative. Et d'ailleurs, bah, c'est la stratégie, hein, qu'utilise de plus en plus l'État pour éviter le décrochage scolaire. Je sais pas si vous en avez entendu parler récemment, bon là c'est plus de la bande dessinée, mais la création d'un jeu vidéo pour aider à l'orientation. Ouais, ça me dit quelque chose. En fait, le topo, c'est que tu joues un gugus ou une gugus, et tu dois, tu dois faire des trucs dans la ville du jeu vidéo. Et en fait, ça va t'aider à trouver des informations sur les orientations. Et à la fin, t'as un petit test à remplir, et ça te dit, bah tiens, vu comment t'as joué, ça pourrait, voilà, tu pourrais être intéressé par ça. Ça remplace un peu les tests de personnalité que l'UNICEF proposait à un moment. Moi, je me souviens qu'on en a, quand j'en avais fait et tout, c'était obligatoire, je crois. Sérieux ? Ouais. Qui t'a forcé à faire des tests Bah, en gros, pour s'inscrire sur la plateforme, il fallait faire un test de personnalité en répondant à des questions en mode est-ce que tu partages ton goûter ou pas, quoi, enfin, un truc comme non, ça. Non, je te faisais pas ça, bonjour. De quoi ? Bah, ces petits tests là de temps en temps. Je n'ai jamais fait de test de genre parce que j'ai toujours trouvé ça un peu. Tu vois, genre, j'ai jamais été vraiment attiré par les tests parce que j'ai envie de dire si le test il me dit tu dois faire ci mais qu'en fait j'ai pas envie de faire ci, bah je vais pas faire ci, tu vois. Donc... Oui, non, mais je suis d'accord avec toi, mais c'était. Moi, je me souviens que c'était obligatoire quoi. Parce qu'après, ça te donnait un panel de métiers et. En tout cas, nos professeurs rendaient ça obligatoire. Ça te donnait un panel de métiers. Et en fonction des choix que tu avais faits, ils te disaient « Ah, vous êtes plus créatif !» Ou des trucs comme ça. Donc c'est marrant, ils ont repris cette forme-là sous la forme de jeu vidéo, au final. Et dire que tu aurais quand même pu trouver une bande dessinée qui parlait de journalisme. Hein. Et oui, ça aurait été vachement plus facile. Mais bon, t'as dû errer. Hein, sur... Faire des tests. Exactement. Et donc, voilà. Voilà, c'est ce que je voulais vous présenter. Donc la bande dessinée utilisée au service... de l'éducation. Hein. Donc bon après, hein, c'est pas du grand art, hein, ces bandes dessinées sont juste là pour expliquer quelque chose. Mais bon, voilà, ça permet toujours d'offrir des opportunités pour certains. Et moi, je vous propose alors, une petite dernière partie qui sera plutôt sympathique. Nous allons parler, parce que bon, on parle évidemment de publicité au service de l'éducation, de la bande dessinée au service du travail, hein, des luttes ouvrières, mais qui dit travail, enfin qui dit études dit travail, qui dit travail dit argent, et qui dit argent dit produits à acheter. Et pour acheter des produits, il faut qu'on ait envie. Et c'est pour ça que la publicité existe. Et donc juste après un peu de musique, nous allons parler de la bande dessinée au service de la publicité, car nous avons plusieurs exemples. On en a tous déjà vu des exemples, donc on va pouvoir tous en parler. Et puis ensuite, eh bien, je pense qu'on aura fait un très beau tour d'horizon sur ce mois du travail. Est-ce que vous avez envie d'écouter quelque chose juste après ? Très bien, oui, mais je n'ai pas d'idée. Tu n'as pas d'idée ? Est-ce qu'il y a des chansons sur les géomètres ? Alors, des chansons sur, sur les géomètres, je ne pense pas. Ou alors, ce serait plutôt des parodies faites par des étudiants. Mais si tu veux... on peut mettre Zouk Machine de Maldon, vu que ça parle de la charge domestique. Ça reste du travail en soi. Donc, qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que le lien avec les géomètres est présent. Ouais, donc, le lien est très présent parce qu'on a tous besoin de travailler au bout d'un moment chez soi. Donc, tout de suite, Zouk Machine de Maldon. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas écouté et je l'aime beaucoup cette chanson. Et juste après, nous allons parler de... C'est pas Maldon de Zouk Machine. Et juste après, donc, la BD au service de la publicité, c'est sur Fréquence BD sur Fadjet. êtes de retour sur Fréquence BD, votre émission sur la bande dessinée tous les premiers vendredis du mois sur Fadjet. Donc une émission spéciale travail, et comme nous l'avons dit juste avant cette magnifique chanson donc de Zouk Machine, hein, c'est bien Zouk Machine le nom du groupe et pas Maldon, nous allons vous parler donc de la publicité, enfin de la bande dessinée au service de la publicité, et je voulais tout d'abord vous parler voilà, de deux cas spéciaux qui sont en fait des entreprises qui ont elles-mêmes fait des bandes dessinées complètes, donc genre un tome de 30-40 pages, et qui est donc là, souvent est distribué, je sais pas si c'est une entreprise de voitures, et ben vous faites réparer votre voiture et vous repartiez avec le tome de l'entreprise. Et donc il y en a deux hein, que j'ai pu lire, qui sont dans ma bibliothèque chez moi. Alors, la première, c'est de l'autoroute du sud de la France, donc l'APR, il me semble. Non, l'RTT. Bref, c'est la BD s'appelle Chérie, j'ai rétréci mon temps de travail. Donc, une bande dessinée très intéressante qui nous parle voilà, du travail des ouvriers de la route, en particulier sur les autoroutes du sud de la France. Donc, voilà, pour découvrir leur tranche de vie. Et enfin, une publicité pour une mutuelle pour les professionnels de santé. Hein, donc la mutuelle qui s'appelle la MACSF, je sais pas comment ça se prononce, donc qui s'appelle Médicalement Vôtre. Donc voilà, c'est pas la bande dessinée de haute voltige, mais voilà, elle permet de faire de la publicité. Et la preuve, ça marche bien vu que je suis en train de vous parler d'une mutuelle alors que je les connais pas. Mais quand on vous parle de bande dessinée au service de la publicité, évidemment on ne pense pas à une mutuelle ou aux autoroutes du sud de la France, on pense par exemple aux pubs hein, qu'on a pu voir avec Luc Luc qui mange à McDonald's, hein, qu'on a pu voir ça récemment, c'est de celle-là que je veux vous parler, donc on a tous des petits exemples à vous présenter. Alors moi celui que je connais le plus hein, c'est dans les albums Gaston Lagaffe, on les a tous un peu lus hein, je pense ici. Bien sûr. Oui, totalement. Alors, est-ce que vous savez, hein, il y a une histoire dans Gaston Lagaffe qui dit qu'il n'y a pas d'album numéro 5. Et vous avez entendu cette histoire ? Ah non. Non. Alors c'est une histoire qui est plutôt connue par voilà, pour les fans de Gaston Lagaffe, mais pour vous la faire courte, en fait, il existait un tome 4, il existait un tome 6, mais il n'y avait pas de tome 5. Et pour une raison, on s'en fout hein, de savoir pourquoi il n'y avait pas de tome 5, mais sous la pression des fans, un tome 5 a été inventé, et en fait dans le tome 5 a été rajouté des coupures pub qui avaient été faites en utilisant Gaston Lagaffe, dont plusieurs planches, hein, 5 ou 6 il me semble, voire même plus, où Gaston Lagaffe faisait la promotion du soda orange pied de bœuf. Donc pied de bœuf c'était à la base une brasserie hein, donc qui fait de la bière et qui s'était tenté dans le monde du soda. Alors, ça a dû tellement bien marcher que maintenant l'entreprise s'appelle la brasserie Jupiler, qui doit plus vous dire quelque chose. Effectivement. Donc voilà, sachez que Jupiler, avant, faisait du soda en partenariat avec Gaston Lagaffe. Et donc voilà, c'était des petits strips qui présentaient, voilà, qui disaient que la boisson était très fraîche. Gaston a également fait ça avec les piles Philips, qui ont été renommées Bidule hein, dans les albums récents. Donc bah voilà, tout le délire des piles Philips. C'était que dès que tu les mettais dans un appareil nécessitant des piles, les piles étaient tellement puissantes et fortes que l'appareil bah, il devenait un peu fou parce qu'il était trop efficace. Donc, voilà, c'était franchement, les piles Bidule ou Philips, hein, si vous avez la chance d'avoir la version originale, sont vachement drôles. Ou bien encore, pareil, Gaston Lagaffe qui fait de la pub pour la vache qui rit, qui était vachement sympa. Bon, bref, c'est juste une image subliminale de la vache qui rit. Est-ce que vous avez des exemples comme ça de héros de bande dessinée qui vendent voilà, les mérites d'un produit? Ben, par exemple, on peut citer Tintin. Alors, Tintin, il a fait beaucoup de choses, il y a même une marque de fromage à son nom. Ouais. Alors là, j'ai une affiche sous les yeux, le fromage Tintin, le fromage des jeunes gourmands, Tintin qui se coupe un petit bout de fromage. C'est vrai, parce que les Belges, mais ils mangent quand même du camembert. Bien sûr. Et il y a eu énormément de pubs en fait avec Tintin, parce que, alors tu le sais sûrement, les auditeurs aussi, mais les propriétaires des droits de Tintin sont quand même très très stricts vis-à-vis de l'utilisation qu'on fait du personnage. Mais jusqu'à très récemment, il y avait une exception pour les publicités. Et donc, Tintin était utilisé par énormément de pubs. Alors, donc, voilà, pour rendre un petit peu... Parce que la pub du fromage, on parle de sens, on n'utilise plus les sens. Oui, c'est vrai, mais jusqu'à il y a 20 ans, on va dire. il était utilisé vraiment pour beaucoup de pubs. Alors, là, j'ai une pub pour une glacière, une pub pour un jus d'orange, une pub pour la deux chevaux. Tintin qui est un peu tout ça. Ça s'appelle plus les aventures de la 2CV et de la grotte hantée. Oui, avec mais c'est Tintin accoudé à une deux chevaux. Chaque pub est organisée un peu comme un album, enfin la page, enfin, l'affiche. Et puis il y a d'autres trucs un peu marrants, genre. Parce que bon, la marque de fromage Tintin, bon, c'est comique, mais il y a aussi. Il y a eu un. Ouais, Tarzan qui faisait de la pub pour Vademecum, donc une marque de dentifrice. Voilà, donc Tarzan muscle les gencives avec du vademécum, ce qui n'a aucun sens. Tarzan il vit dans la jungle, pourquoi il se brosserait les dents? Surtout avec du vademécum. Donc tu le dis. Non, mais c'est vrai, tu vois, moi j'ai fait des études hein, là-dessus. Et puis pareil, Corto Maltese, hein, donc Corto Maltese, un marin, donc qui a été une légérie d'un parfum Dior qui s'appelle Eau Sauvage. Mmh. Bon, l'affiche qui est très moche, hein, tu la vois sous tes yeux. Je vous invite à aller voir hein, ces affiches-là. Vous tapez, voilà, Corto Maltese, Dior. Vous verrez, elle est magnifique. Bref, mais ces pubs-là sont plutôt vieilles, hein, celles qu'on vous parle. Hein, parce que récemment, y a eu toute la campagne de McDonald's avec les différents héros. Pas que de bande dessinée hein, qui mangeaient là-bas. Mmh. Mais là, comme ça, de tête de récente... Bah, il y a Lidl qui a un partenariat avec Astérix où tu peux gagner des peluches voilà, en faisant tes courses. Oh. Ouais, c'est intéressant. Mais ça, c'est. Ouais. Ça, c'est plutôt commun, j'ai envie de dire, les peluches à Lidl. Je sais pas pourquoi ils ont un délire avec les peluches. Et tu sais que même Astérix avait fait de la pub pour du beurre. Eh ben, Tintin aussi. La marque Fruit alors. Ouais, ouais. Alors, chez Astérix, c'était Beuritz. C'est marrant parce que ça termine par Ritz. Et il y avait un concours qui était organisé, et pour vous dire à quel point le concours Beuritz c'est vieux, hein, on pouvait gagner des Polaroids, des vélos pliants, des vélos moteurs, et même, et c'est précisé, hein, et écrit en gras, et même des télécouleurs. Donc, waouh, des télécouleurs! On pouvait gagner voilà, des télécouleurs en achetant son beurre Beuritz à l'époque. Donc voilà, franchement, je pense que ça marcherait encore aujourd'hui hein, de gagner des télécouleurs. Bah écoute. Mais on ne préciserait plus. C'est quand même bien mieux qu'une télé en noir et blanc. C'est sûr. Pour le coup, c'est pas faux. Alors Marie avait quelque chose à nous présenter, mais elle a disparu de la circulation. Oui. Donc on a retrouvé Marie qui était perdue dans les méandres des connexions internet. Donc voilà, donc toutes ces bandes dessinées hein, qui. Tous ces héros hein, de bande dessinée qui ont voilà, qui ont vanté les mérites de produits, comme Lucky Luke, voilà, qui avait même vanté les mérites du tabac, hein, comme quoi, quand on y réfléchit, ça fait un peu bizarre une pub Lucky Luke sur le tabac, sachant que c'était lu par les enfants, mais bon, faut pas trop réfléchir à ce moment-là. Mais voilà, ce sont donc différents exemples qui nous montrent que la bande dessinée, finalement, même si on ne la lit pas, est toujours autour de nous. Ce qui est drôle, pardon, mais avec Lucky Luke, c'est qu'il a aussi fait les campagnes anti-tabac. Il a fait les deux. Il a fait... Non, mais c'est... Il s'est repenti entre-temps. Et c'est aussi, ça venait de la loi qui interdisait les... Enfin, qui visait à interdire les gens à fumer dans les bandes dessinées. Comme quoi, ça se sentait même ici. Ça me fait penser aussi qu'il y avait... je sais pas si vous avez eu ça, mais tout un tas de pharmacies qui donnaient des BD aux enfants. Enfin, quand il y avait des enfants avec leurs parents, qui expliquaient les bienfaits d'un médicament. Alors j'en ai plein chez moi, enfin chez mes parents. Tu allais beaucoup à la pharmacie. J'allais beaucoup à la pharmacie. Et je me souviens, c'était, j'ai regardé vite fait, c'était les albums Lily. Je sais pas si vous avez déjà eu ça. Mm-hmm. Et c'était vraiment Lily. Et en fait, c'était Lily, une petite fille qui avait un bobo ou un truc comme ça. Enfin, je me souviens d'un album, c'était par exemple, elle avait un coup de soleil. Et ça t'expliquait la différence entre... Enfin, ça disait qu'il fallait pas aller au soleil à midi, tout en parlant d'une crème solaire, en fait. D'accord. Et du coup, ça c'était produit, du coup, par... Enfin, c'était donné en pharmacie. C'était marrant aussi. Ça touchait directement les enfants. Enfin, je me souviens qu'à partir d'un certain âge, je n'en ai plus eu. Ça, c'est dommage. Et la collection c'est dommage. De Lily hein, qui s'est éteinte très rapidement. Exactement. Non, mais c'était un peu implicite, parce que du coup, on s'adressait aux enfants qui disaient ça. Bah voilà, maman, tu peux m'acheter la crème solaire Lily, s'il te plaît. voilà. Hein. Comme quoi, tu étais déjà un très bon outil pour acheter de la crème solaire à Lily, à l'époque. Exactement. Et je pense que c'est sur cette petite note sympathique que nous allons nous arrêter là pour cette émission, car bah, l'heure tourne, et ça fait presque déjà une heure que nous sommes ensemble sur Fréquence BD. C'était un plaisir, Benjamin. Bah, moi aussi, ça, c'était sympa de se revoir. Oui, c'était une émission fortement intéressante. Quoique improvisée. Oui, complètement improvisée, c'est vrai. D'ailleurs, est-ce qu'on l'annonce ou pas ? Oui, on peut. Alors, on peut rester mystérieux. On va rester... Ok, je fais une annonce mystérieuse sans dire le nom. Très bien. On aime bien garder le mystère, c'est marrant. Donc la semaine après, le mois si on dit ouais non mais on va pas le dire de toute façon si on le dit ça gâche tout non ça sera ouais mais comme ça attire les gens ah ouais c'est malin mais justement là, on fait de la publicité on fait du teasing on en parlera sur le compte Instagram de Fréquence BD s'il le faut enfin ouais. Bref le mois prochain nous aurons la chance si cette fois-ci il n'y a pas des problèmes imprévus comme ce mois-ci d'interviewer un jeune auteur, pas de bande dessinée, mais un jeune auteur qui a financé son bouquin grâce au financement participatif. Donc ça serait très intéressant d'en parler, tout simplement, car voilà, de parler comment ça se passe le financement participatif. Et surtout, c'est son premier livre, donc nous verrons avec lui. Et vu que nous sommes tous étudiants dans cette émission, à moins que je me trompe, vu que nous sommes tous étudiants, la prochaine émission de Fréquence BD n'aura pas lieu le premier vendredi du mois de juin. On va faire une entorse à cette règle. Et ce sera le deuxième vendredi du mois de juin, c'est-à-dire le 11 juin. Parce que bah, tout simplement, on a des épreuves et on ne peut pas enregistrer pendant qu'on fait des épreuves. Ça me paraît plutôt logique. Et on se retrouvera à ce moment-là pour vous présenter encore plus de bandes dessinées, pour rencontrer des personnes encore plus incroyables, pour vous présenter des choses fofolles. Bref, c'est sur Fréquence BD, restez sur Fadjet pour vous tenir au courant de l'actualité. Et puis je pense que nous pouvons vous souhaiter une bonne soirée sur Fadjet, nous espérons. Donc, à la prochaine, au mois de juin. Bonne soirée. Au revoir, bonne soirée. Salut.